affronte la réalité. Every day, mais j'ai souri. Mais j'ai souri. Frérot, j'affronte la réalité. Every day, mais j'ai souri. Mais j'ai souri. J'encaisse les jours de pluie. Pluie. Pluie. Pluie. J'encaisse les jours de pluie. Pluie. J'suis qu'à 5%, le game on a la haine. J'passe, tu vois la scène, pas de problème. J'circule dans leurs veines, parce que zombie scène, leur corps est d'or, mais c'est nu chez mort. Like a Wolverine, elle me parle de love. J'fais déjà mes love, qu'est-ce que ça m'amène. Fuck leur mamma mia, j'suis rare comme une personne mia. Le peur assure la civière, c'est là qui me tend la scie. Avec je coupe chez Pia, trop de dégâts dans le milieu. Motivation faire des millions, tout en préservant ma vie. J'arrange dans les ténèbres comme j'suis méfiant. Surtout quand mes amis veulent me retirer la vie. Que si tu prends que sur le CV, j'veux des millions. Perdu dans le monde, je m'ennuie sous le. J'suis sous le. Et je sais ce qu'il faut, donc je fais ce qu'il faut. Bon, j'affronte la réalité. Every day, mais je souris. Frérot, j'affronte la réalité. Every day, mais je souris. Every day. Mais je souris. J'encaisse les jours de pluie. Pluie. Pluie. Pluie. J'encaisse les jours de pluie. Pluie. Pluie. Pluie. Ce n'est pas qu'une question de haine. Ce n'est pas qu'une question de peine. On n'est pas là pour l'éternité. Donne-moi le flingue, je vais chercher ma paix. Le bonheur viendra pas en coursier. Le critère vient de se faire courser. Juste à côté de la tourcée. Mais comment va-t-il me rembourser? On n'est pas là pour faire des études. King comme l'astute. Qui veut baiser ma répute? J'ai l'âme du crime dans mon fût. Y'a pas du topé dans ma flûte. C'est nous les méchants, c'est nous les charros, c'est nous les gros bonnets. Fendeurs des cipettes, joue pas les sobats, façon tu nous connais. J'avance dans les ténèbres, donc j'suis méfiant. Surtout que mes ennemis veulent retirer la vie. Peux-tu vendu sur le CV, je veux le million. Perdu dans le monde, je me nuis saoulé. J'suis saoulé. Mais je sais ce qu'il faut, donc je fais ce qu'il faut. Heureux, j'affronte la réalité. Every day, mais j'ai souri. Mais j'ai souri. Heureux, j'affronte la réalité. Every day, mais j'ai souri. J'encaisse les jours de pluie. Pluie.